Avertissement de Bruges la Morte. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Bruges la Morte, par George Rodenbach. Avertissement. Dans cette étude passionnelle, nous avons voulu aussi et principalement évoquer une ville, la ville comme un personnage essentiel, associé aux états d'âme, qui conseille, dissuade, détermine à agir. Ainsi, dans la réalité, cette Bruges, qui nous a plu d'élire, apparaît presque humaine. Un ascendant s'établit d'elle sur ceux qui y séjournent. Elle les façonne selon ses sites et ses cloches. Voilà ce que nous avons souhaité de suggérer. La ville orientant une action. Ses paysages urbains, non plus seulement comme des toiles de fond, comme des thèmes descriptifs un peu arbitrairement choisis, mais liés à l'événement même du livre. C'est pourquoi il importe, puisque ces décors de Bruges collaborent aux péripéties, de les reproduire également ici, intercalés entre les pages. Quais, rues désertes, vieilles demeures, canaux, béguinages, églises, orfèvreries du culte, beffroi. Afin que ceux qui nous liront subissent aussi la présence et l'influence de la ville, éprouvent la contagion des eaux mieux voisines, sentent à leur tour l'ombre des hautes tours allongées sur le texte. Fin de l'avertissement de Bruges la Morte, lu par Ezoie, en Belgique, le 21 juillet 2009.